La première des mortifications est de supporter avec courage les épreuves inévitables de la vie et de recevoir sans révolte le fardeau de la croix dont la Providence nous ordonne l'acceptation. Quelle croix, Seigneur ! Hélas ! Est-il besoin d'énumérer toutes les formes que peut prendre la douleur à notre égard ? N'y a-t-il pas une lourde croix dans les maladies ? Une croix plus lourde dans les maladies de ceux que nous aimons et dans les défaillances intérieures que nous donne alors l'inquiétude ? N'y a-t-il pas une croix dans les angoisses de la mère qui craint pour la vertu de ses fils et ne peut déjà plus que prier ? N'y a-t-il pas une croix dans les mécomptes du cœur, dans les espérances déçues, dans les efforts inutiles, dans la bonne volonté vaincue, dans l'inconstance des affections, dans la perpétuelle instabilité des choses d'ici-bas, et enfin dans cette loi de la mort qui est grande et belle, vue du côté du ciel, mais qui, du côté de la terre, n'est que larmes, deuil, déchirement, séparation de ceux qui n'étaient qu'un, contradiction de la nature primitive, dont l'instinct essentiel était l'immortalité. Voilà les croix de chaque jour et de chaque heure, car sur la terre, où n'est pas la douleur dans le corps et dans l'âme, et où n'est pas la mort ? Ô Jésus, chargé de la croix sans résistance, et silencieux par amour sous l'accablement d'un tel fardeau, apprenez-moi quand l'heure viendra de souffrir, et si elle n'est venue, cette heure peut-elle tarder ? Apprenez-moi la résignation, le courage chrétien, la sagesse qui mesure les plaintes et ne donne rien à de vains murmures. Donnez-moi plus que cela, ô Jésus. Donnez-moi l'amour, l'amour qui a ses secrets, l'amour qui transforme toutes choses et jusqu'à la mort même et surtout la mort. Que l'exemple de votre force résignée me soutienne dans le moment des douloureuses étreintes, et que, si le corps ploie, l'âme demeure dans la ferme assurance de ses résolutions et dans l'acceptation en foi de son sacrifice, ainsi soit-il.